إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، نكشف عن الله سبحانه وتعالى. On vous accueille de nouveau via la radio de Merkez El Furqan en Belgique pour cette série de cours dans cette période de confinement. Et on est aujourd'hui au troisième cours, Lillah Alhamd, après le cours de l'Usul al-Thalath, les trois fondements. Puis hier, le premier cours de Tafsir, d'exégèse facilité. Aujourd'hui, on commence un livre qui fait partie des trésors de la Sunna, qui est Al-Adab Al-Mufrad de l'imam Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, avec l'explication de Cheikh Zayd Al-Madkhali, rahimahullahu ta'ala. Avant cela, il convient peut-être qu'on a des débutants qui n'ont pas l'habitude d'entendre Khutbat al-Hajjah, il convient peut-être de traduire Khutbat al-Hajjah qui a toute son importance. Cette introduction que je viens de faire en arabe. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et demandons son aide et nous cherchons refuge auprès de lui contre nos propres maux et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui égare, Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah, lui seul, il n'a aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction du sens est « Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction du sens est « Oh homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce dont la traduction du sens est « Oh, vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. » Ceci dit, ensuite, la meilleure parole est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires choses sont celles qui sont inventées dans la religion. Et toutes les choses inventées dans la religion sont des innovations religieuses. Et toutes les innovations religieuses sont des égarements et tous les égarements sont en enfer. Ceci étant dit, avant de commencer ce magnifique livre, qui est l'Adab Mufrad de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il convient de faire une introduction en guise de préambule concernant l'importance de ce livre et l'importance de son sujet qui a attrait au comportement et aux bienséances. Donc nous demandons à Allah le Très-Haut qu'il nous comble tous par la science bénéfique et l'action virtueuse, et qu'il nous comble par les nobles manières et le comportement béni qui sont la voie de notre exemple et de notre modèle, qui est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au sujet duquel notre Seigneur le Très-Haut a dit ce dont la traduction du sens est « Et tu es certes d'une moralité éminente ». Al-Qalam, verset 4. Et nous sommes, ô nobles frères, dans le processus d'étudier un livre sublime et un ouvrage précieux et un écrit béni au sujet du comportement, le comportement de la législation et le comportement de l'islam auquel nous a appelé notre noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le statut de ce livre est que son auteur est un imam célèbre et une illustre célébrité et un savant du hadith doté d'expertise. Et c'est qui? C'est l'imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'auteur du Sahih, qui est connu comme Sahih al-Bukhari, l'authentique d'al-Bukhari. Et cet ouvrage-ci, qui est le sien, a été appelé Al-Adab al-Mufrad, car il l'a écrit à part de son authentique. dans le comportement, en plus de son livre Al-Adab qui se trouve dans son authentique, dans son Sahih. Et donc il faut savoir que cet ouvrage n'est pas le livre Al-Adab qui se trouve dans son livre l'authentique. C'est-à-dire que ce n'est pas le chapitre qui a trait au comportement qui se trouve inclus dans l'authentique d'Al-Bukhari. Mais c'est un livre qui a été écrit à part et dont son nom Al-Adab Al-Mufrad. Et donc c'est un ouvrage qu'il a écrit à part, qu'Allah lui fasse miséricorde, indépendamment dans la mise en évidence du comportement, de la législation et les bienséances de cette sublime religion. Et c'est même si ce livre indépendant de l'authentique s'associe au livre d'Al-Adab qui se trouve dans l'authentique, l'authentique d'Al-Bukhari. Sauf qu'il y a des rajouts nombreux et importants, car il y a rapporté de nombreuses narrations et a écrit de nombreux chapitres en plus de ce qui se trouve dans son livre Al-Adab, qui se trouve dans son Sahih, dans son authentique. Et aussi en termes de nombreux athar qu'il a inclus et rapporté dans son livre Al-Adab Al-Mufrad. Le sujet du comportement dans Sharia al-Islamia, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que tel, était un sujet auquel les gens de science donnaient de l'importance anciennement et y donnent de l'importance aujourd'hui. Et cela apparaît dans beaucoup d'ouvrages et d'écrits concis et longs, et dans les nombreux poèmes que les gens de science ont écrits dans le comportement. Mais de plus, fait partie de la grande importance qu'ils donnent au comportement qu'il n'y a pas une science parmi les sciences, ni un domaine parmi les domaines de la religion, sans qu'ils y aient écrit, à part des ouvrages qui traitent de manière spécifique la mise en évidence des biensciences qui y sont liées, comme les biensciences à respecter lorsqu'on mange, les biensciences à respecter lorsqu'on voyage, et les biensciences à respecter lorsqu'on s'assoit, et les biensciences à respecter lors de l'acquisition de la science, talab al-ilm, et autres parmi les biensciences auxquelles la législation de l'islam a appelé. Et Al-Adab est un comportement qui se trouve dans la personne qui le pousse vers ce qui est louable parmi les paroles et les actions. Et c'est pour cela qu'il fut dit, quant à la définition d'Al-Adab, que c'est l'utilisation des nobles comportements dans les relations de l'individu. Al-Adab, comme l'ont expliqué les gens de science, est envers Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Il est aussi envers son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est envers les serviteurs d'Allah, croyants, chacun en fonction de son statut et de sa situation. Le comportement le plus important est le comportement envers Allah, subhanahu wa ta'ala, en étant pudique envers lui, et en le craignant en secret et en public, en étant sérieux et en faisant des efforts dans le fait de lui obéir et dans ce qui rapproche de lui, et en s'éloignant de ce qu'il a interdit et de ce contre lequel il a mis ses serviteurs en garde. Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, leur donne à ses serviteurs que ce dans lequel il y a le bien et la vertu pour eux. Il ne les met en garde que contre ce dans lequel il y a un mal et un préjudice pour eux, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et donc, fait partie du comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala d'être pudique envers lui, de le craindre et de s'acquitter de son obéissance et de s'écarter de ce qui cause sa colère parmi les paroles et les actions. Quant au comportement envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de retourner à son jugement sallallahu alayhi wa sallam et de le prendre comme exemple et comme modèle. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, dit dans la traduction du sens est: en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Surat Al-Ahzab, verset 21. Et de ne pas le devancer, ni par une parole, ni par une action. Et donc de ne pas faire tant qu'il n'a pas ordonné. Et de ne dire que ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et donc qu'il soit conditionné de ce qui a été rapporté de lui, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles, dans ses actions, dans ses mouvements, dans son immobilité, en le prenant, sallallahu alayhi wa sallam, comme un exemple et un modèle pour lui dans ce qu'il fait et dans ce qu'il délaisse. Le comportement avec les gens, avec les serviteurs d'Allah, est de se comporter envers eux, chacun en fonction de son statut et chacun en fonction de son degré. Et ils sont de différents niveaux en ce qui concerne leurs droits en termes de comportement, mais en termes de bonne compagnie et de bonnes relations, et cela chacun en fonction de leur statut et en fonction de leur situation. Et c'est pour cela que l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a commencé ce livre-ci par la bonté envers les parents, indiquant par cela que les parents sont ceux parmi les gens qui sont les plus en droit et les premiers en droit en termes de noble comportement et de bonne compagnie et de bonnes relations, comme cela sera clarifié, expliqué dans le premier chapitre qu'on va faire aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Parmi les biensciences de la législation islamique liées au jugement et aux actes d'adoration, les biensciences lors des ablutions, et les bienséances lors de la prière, et les bienséances lors du dhikr, les bienséances dans les transactions, et les bienséances lors de la recherche de la science, et autres parmi les bienséances importantes. L'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a fait des efforts dans ce livre béni, dans lequel il a regroupé un grand nombre et une quantité bénie de bienséances de la législation al-Sharia al-Islamiyya et des nobles et sublimes comportements en islam auxquels le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a appelé. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide à être patient, lui facilite d'être patient quant au fait d'étudier ce livre et à s'arrêter sur ses chapitres sublimes et les points bénis qui s'y trouvent, alors il obtiendra avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup de bien. Les savants qu'Allah leur fasse miséricorde ont dit « Le bon comportement est certes l'adresse de la félicité, de l'individu et de son bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Combien de bonnes choses ont été obtenues par ce genre de noble comportement et de noble bienséance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les plus proches de moi parmi vous le jour du jugement dernier sont ceux qui ont les meilleurs comportements. » Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Je n'étais envoyé que pour parachever les bons comportements. » Et il lui fit demander « Quelle chose augmente l'entrée au paradis ?» ou la chose la plus importante par laquelle les gens entrent au paradis. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam « La piété envers Allah et le bon comportement. » Le bon comportement a donc son haut statut et son degré élevé dans la législation de l'islam, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc s'il est facilité aux musulmans d'avoir les bons comportements de l'islam et les bienséances de l'individu, qu'il a demandé l'aide d'Allah le Très-Haut, s'il lui est facilité de connaître ses bons comportements, qu'il a demandé l'aide d'Allah le Très-Haut afin de les concrétiser, il aura alors obtenu un grand bien et une large préséance dans ce bas monde et dans l'au-delà. Alors, avant de commencer ce livre, on voudrait attirer l'attention, dans le cadre de cette étude de ce livre, sur des points au sujet desquels j'aimerais pour moi-même ainsi que pour mes frères qu'ils nous soient présents à l'esprit alors que nous sommes à même d'étudier ce livre béni. Le premier point, que notre intention soit correcte dans notre étude de ce livre, car l'intention peut être endommagée par ce qui peut la gâter comme dessein et chose qui la trouble, et donc si l'intention est corrigée, elle est sincère, alors l'action est bénie, et l'assise est bénie, mubaraka. Et la science est bénie, et la recherche de la science est bénie, et les résultats se concrétisent, et on en trouve à thamarat, les fruits. La correction de l'intention est qu'il est pour l'intention, dans son assise, afin d'étudier ce livre, que cette assise est en premier afin qu'il connaisse les bienséances en islam, et les bons comportements en islam, et qu'il en prenne connaissance, et qu'il s'allège de l'ignorance lui-même quant à ce qu'il ignore. Puis deuxièmement, qu'il combatte sa propre âme, car il faut un combat contre sa propre âme à concrétiser ses bienséances et à s'en acquitter. Et qu'il combatte sa propre âme, son propre ego à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut, il dit, ce dont la traduction du sens est, « Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers, Allah est en vérité avec les bienfaisants. » C'est surat l'Ankabout, verset 69. Ensuite, qu'il ait l'intention de propager ses bienséances au sein des gens. Premièrement, en se parant lui-même de ses bienséances, afin qu'il soit un exemple pour les gens en termes de bon comportement et de bienséance, et aussi en appelant les gens aux bienséances de la religion et ses nobles comportements. Et cette intention noble et vertueuse qui a été indiquée, nous la voyons claire dans les délégations qui venaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de connaître la religion d'Allah le Très-Haut. Prenez un exemple à ce sujet. Ce qui était rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, dans les deux authentiques, dans le récit de la délégation de Abd al-Qais, lorsqu'ils sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, il y a entre toi et nous le quartier des mécréants de Mudar, et nous ne pouvons venir chez toi que pendant ce mois sacré. Ordonne-nous donc par une parole décisive. Donc ici, regarde cette intention bénie sur laquelle se sont noués leurs cœurs. Ils ont dit, ordonne-nous donc par une parole décisive au sujet de laquelle nous informerons les gens qui sont derrière nous et par laquelle nous entrerons au paradis. Tel était donc leur but. Leur but était d'entrer au paradis par cette parole décisive qu'ils entendent du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'autre but est de la transmettre aux gens qui sont derrière eux. C'est pour cela que l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, rien n'égale la science si l'intention est correcte. Il fut alors dit à l'imam Ahmed, imam al-Sunnah, rahimahullah, et comment est-elle correcte cette intention? Il répondit, rahimahullah, que tu aies pour intention par la science de t'alléger toi-même de cette ignorance ainsi qu'autrui. Que tu aies pour intention par la science de t'alléger toi-même de cette ignorance. Car on est tous nés dans un état d'ignorance. Et donc, tu t'allèges toi-même de cette ignorance en connaissant ta religion et la législation qu'Allah le Très-Haut t'a ordonnée et à laquelle il t'a appelé, subhanahu wa ta'ala, et que tu allèges autrui de cet état d'ignorance en faisant le conseil et en orientant. « An tarfa'a al-jahla an nafsik, thumma an ghayrik » Que tu te lèves cet état d'ignorance de toi-même d'abord et puis ensuite d'autrui en le renseignant, les orientant, les conseillant. Et donc que tu ne le retardes pas la clarification après le temps où le besoin s'en fait. Ce que tu entends comme bienséance, précipite-toi à les diffuser et mets-les en pratique et précipite-toi à les propager. Si tu vas chez toi, apprends-les à tes enfants, apprends-les à tes frères, apprends-les à ceux que tu peux et fais partie de la bénédiction de la science ou des causes de la science que tu la donnes, que tu la transmettes, que tu la propages, que tu l'enseignes et Allah subhanahu wa ta'ala le très haut rétribue le bienfaiteur parmi ses serviteurs. Celui qui leur fait le conseil et qui s'attache à propager le bien parmi eux. Il le rétribue à la hauteur de cela en lui multipliant de nombreuses fois et en l'affermissant sur sa religion et en le préservant et en l'assistant et en le défendant et autres parmi les fruits et les résultats bénis. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous fassions partie de ces gens-là. Aussi, on rappelle ici dans le cadre de l'étude de ce livre l'importance de l'invocation à du'a. Demande à Allah le Très-Haut qu'il t'aide, car toi, quoi que tu apprennes comme bienséance et comportement, et quoi que tu apprennes comme bon comportement, quoi que tu lises comme noble comportement, tu ne peux t'acquitter de quoi que ce soit parmi ces nobles comportements que si Allah le Très-Haut t'aide et qu'Allah te l'a facilité. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à son bien-aimé Mu'adh, radiallahu anhu arda, « Ô Mu'adh, je t'aime pour Allah. Ne délaisse pas de dire après chaque prière, « Ô Allah, aide-moi à t'invoquer et à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. » Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Il a été rapporté de manière authentique de lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que celui qui veut faire des efforts dans la vocation dise « Oh Allah, aide-moi à t'évoquer et à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. » Cette invocation, comme elle est dite après les prières, elle est aussi dite de manière absolue, c'est-à-dire sans restriction de temps. Et elle est dite en tout temps. L'individu demande par cette invocation l'aide d'Allah le Très-Haut. Les compagnons Ridwanullah alayhim, qu'Allah le Très-Haut les agrée tous, disaient dans leur poème de Rajaz, comme c'est rapporté dans le hadith, dans l'authentique, « Si ce n'était qu'Allah nous a guidés, nous ne serions pas guidés et nous n'aurions pas jeûné et nous n'aurions pas prié » comme c'est rapporté donc dans As-Sahih, dans l'authentique. Il était rapporté de Tawus ibn Kaysan, qui a fait partie des savants des Tabi'un, les successeurs des compagnons, qu'il a dit « Ces bons comportements sont des dons, des présents. » C'est-à-dire que ce sont des présents qu'Allah donne. Allah le Très-Haut, lorsqu'il aime son serviteur, il lui en offre. Et donc, en même temps qu'il apprenne et étudie et révise et lise au sujet des bons comportements et des bienséances dans la législation de l'islam, le musulman demande à Allah le Très-Haut qu'il l'aide à concrétiser cela et en s'en acquitter de la manière la plus complète et de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'on apprend et puis qu'on essaie de mettre en pratique. Et il a été rapporté de manière authentique de notre prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il disait dans son invocation, « Oh Allah, guide-moi vers les meilleurs des comportements. Nul ne guide vers les meilleurs comportements à part toi. Et éloigne de moi les mauvais comportements. Nul ne les éloigne si ce n'est toi. » Il était rapporté de manière authentique qu'il disait, sallallahu alayhi wa sallam, dans son invocation, « Oh Allah, comme tu as embelli mon apparence, embelli mon comportement. » Et le hadith est authentique sans la restriction de dire cette invocation lorsqu'on se regarde dans le miroir. Il était rapporté de manière authentique qu'il disait, sallallahu alayhi wa sallam, dans son invocation, « Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi des mauvais comportements et des passions et des maux. » Donc, la nécessité ici est grande que tu demandes à Allah le Très-Haut qu'il t'aide à concrétiser les nobles bienséances et les comportements complets et qu'il te préserve des maux, mauvais comportements et des bas comportements et qu'il les écarte de toi et qu'il t'en préserve. Donc en résumé, il faut combattre l'âme afin d'étudier ses bienséances. Il faut combattre son propre ego afin de les mettre en pratique et de s'en acquitter. Lutter afin d'y appeler et de les expliquer et de les diffuser. Demander l'aide à Allah seul qui l'aide à concrétiser cela. Et tout cela est regroupé dans la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Sois diligent quant à ce qui t'est utile. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Et demande l'aide à Allah et ne sois pas paresseux. Je m'oriente vers Allah, lui demandant par ses noms exemplaires et ses hauts attributs qu'il nous comble nous tous par le fait de compléter ce livre en termes d'études et de compréhension et d'apprentissage et qu'il nous comble aussi par le fait de concrétiser ce que ce livre contient comme comportement parfait et noble bienséance et qu'il nous guide vers les meilleurs comportements. nul ne guide vers les meilleurs comportements à part lui, subhanahu wa ta'ala, et qu'il nous préserve des mauvais comportements, lui nous en préserve à part lui, subhanahu wa ta'ala. Et nous lui demandons, exalté soit-il, de nous préserver des comportements abominables et des passions et des maux, et qu'il nous guide vers lui par un chemin droit, et qu'il nous préserve de nos propres maux et de nos mauvaises actions. Il est certes celui qui entend les invocations, et celui qui est digne qu'on espère en lui, et il nous suffit, et il est notre meilleur garant. Maintenant qu'on a fini cette introduction sur le sujet et sur le comportement et sur le livre, maintenant on va lire, inshallah, l'introduction du savant qui a expliqué cet adab mufrad de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et c'est Cheikh Zayd, rahimahullah ta'ala, Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, parmi les savants, les grands savants d'Arabie Saoudite, qui est décédé, rahmatullahi alayh. Et justement, il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, فقد طلب مني في مدة مضت نخبة من طلب العلم النابهين أن أدرسهم كتابا من كتب السنة المطهرة يشتمل على الأحكام الشرعية والفوائد المهمة الجلية التي ترشد إلى أحسن الأخلاق والآداب وتحذر من أضدادها فوجدنا أن كتب السنة الصحيحة كلها تتضمن ذلك كله فوقع اختيارنا على دراسة الأدب المفرد لسهولته وصغر حجمه بالنسبة للسنن الأخرى ولوجود كتب من سبقنا إلى العناية به سندا ومتنا. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Zayd rahimahullah ta'ala? Il dit, il y a un certain temps, une élite parmi les nobles étudiants en sciences islamiques m'ont demandé de leur enseigner un livre parmi les livres de la sunna pure qui contiennent les jugements légiférés et les enseignements importants qui guident vers les meilleurs comportements et les meilleures bienséances, et qui mettent en garde contre leur contraire. Et nous avons trouvé que tous les livres de la sunna authentique contiennent tout cela. Et notre choix s'est porté sur l'adab al-mufrad, en raison de sa facilité, et de sa petite dimension, de sa petite taille, par rapport aux autres sunan, et en raison de l'existence des livres de ceux qui nous ont précédés, en s'en occupant en termes de chaîne de transmission et de texte des hadiths. Il faut savoir que Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a fait ce travail de corriger et de vérifier toutes les chaînes de transmission de l'adab al-mufrad de l'imam al-Bukhari, parce qu'il faut savoir que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, n'a pas eu dans ce livre les mêmes conditions d'authenticité qu'il a eu dans son authentique sahih, ce qu'on appelle sahih al-Bukhari. Et donc justement, à ce sujet-là, Cheikh Zayd, rahimahullah ta'ala, il dit « وَقَدْ اِقْتَصَرْتُ فِي شَرْحِ لِلْأَدَبِ الْمُفْرَدِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الأحاديث الصحيحة منه لأن ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et d'ailleurs quand il dit, regardez subhanallah comment les gens de science et de bien et de vertu, ils se reconnaissent les uns les autres. Il a dit, je vais déjà traduire cette petite partie pour que vous compreniez, il a dit, et je me suis limité dans l'explication de l'adab al-mufrad aux ahadith qui en sont authentiques. Et donc il dit en bas de page, وَقَدْ اَعْتَمَدْنَا عَلَى أَحْكَامِ الْإِمَامِ مُحَمَّدْ نَاصِرْ دِلْ أَلْبَانِ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ صَحِيحَ الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ. C'est-à-dire que Cheikh Zayd, c'est une des raisons qu'il a cité, pour laquelle il a choisi ce livre, c'est qu'il y a d'autres savants avant lui qui ont fait ce travail de regarder qu'est-ce qui est authentique ou pas. Et justement, il s'en remet au jugement de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'imam de la Sunna, qui a vérifié ce livre. Donc Cheikh Zayd, en fait, ce qu'il va faire dans ce Adab Mufrad, rahimahullah, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il n'en explique que les hadiths qui sont authentiques, c'est-à-dire qui ont été jugés comme étant authentiques par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc c'est en fait l'explication de Sahih Al-Adab Al-Mufrad de l'Albani, rahimahullah ta'ala. Et donc il dit, rahimahullah, لأن ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الغنية والسداد عما فيه ضعف ومن ناحية أخرى فإن دروس المساجد يحضرها المتعلم وغير المتعلم فكونهم لا يسمعون إلا الأحاديث الصحيحة أزكى لهم فاستمرت الدراسة المسائية لنصوصه وسجلت التعليقات ودونت في أوراق من قبل المحبين لعلوم الشريعة ووسائلها ومنهم القائمون على دار ميراث النبوي للنشر والتوزيع بالجزائر جعلنا الله وإياهم من وراثه علما وعملا ودعوة وجهادا وأرسلت إلي الأوراق للنظر فيها إضافة ما يحتاج إلى إضافة وحذف ما كان مكررا كغيره من الكتب المنثورة ولا يحتق ولا يحتقر من الخير والمعروف شيء وعدته للمطبعة المذكورة سامحا بطبعه ونشره كغيره من الكتب التي أذنت لدار الميراث النبوي بطبعها ونشرها وقد سميت تعليقاتي هذه عون الأحد الصمد شرح الأدب المفرد. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh Zayed pour clôturer cette introduction? Il dit donc je me suis limité dans l'explication de l'adab al-mufrad aux ahadith qui en sont authentiques. Et on a dit qu'il s'est basé sur l'authentification de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Car il y a dans ce qui a été rapporté de manière authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam de quoi se passer de ceux dans lesquels il y a une faiblesse. Mais d'un autre côté, assiste au cours dans les mosquées, parce qu'à la base c'est un cours qu'il avait fait à sa mosquée dans le sud de l'Arabie Saoudite, rahimahullah. Assistent au cours dans les mosquées ceux qui sont des étudiants et ceux qui ne sont pas des étudiants. Et donc le fait qu'ils n'entendent que des hadiths authentiques est plus pur pour eux. Et donc les cours le soir sur les textes de l'Adab al-Mufrad ont continué et les annotations ont été enregistrées et écrites sur des feuilles de la part de certains qui aiment les sciences légiférées et leurs moyens. Et parmi eux les responsables de Dar Mirat Nabawi d'ailleurs qui ont publié ce livre en 3 tomes que j'ai ici devant moi qu'on va traduire inshallah petit à petit. Pour la publication et la distribution qui se trouve en Algérie, qu'Allah fasse que nous soyons ainsi que parmi qui sont ses héritiers au prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes de science et de mise en pratique et de prêche et de jihad. Et ces feuilles m'ont été envoyées afin que je les revoie et que j'y rajoute ce qui est nécessaire d'être ajouté et de retirer ce qui se répète, comme dans d'autres livres, parmi mes livres qui ont été écrits en prose, et on ne dédaigne rien de ce qui est un bien et de ce qui est convenable. Et donc il a préparé pour la maison d'édition et ça a été justement cité en autorisant son impression, sa publication. Et il a appelé ce charh Aoun al-Ahad al-Samad, charh al-Adab al-Mufrad. Maintenant qu'on a fini ces introductions, on rentre à proprement dire dans le vif du sujet. Et c'est directement le premier chapitre. Et c'est Babu qawlihi ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. L'imam al-Bukhari, il dit, rahimahullah, chapitre de la parole d'Allah dont la traduction du sens est « Et nous avons enjoint à l'homme avec un grand H de la bonté envers ses pères et mères. » « Haddathana Abu al-Walid, qala haddathana shu'batu qal, al-Walidu, bnu, al-Izari, akhbarani, qal, sami'tu Aba Amrin al-Shaybani, yaqul, haddathana sahibu hadith dar, wa awma'a biyadihi ila dari abdillah. » قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. أبو الوليد nous a dit. Alors ici le mot en arabe il est utilisé c'est حدثنا. Et il a dit شعبة nous a dit. C'est une chaîne de transmission, si vous voulez. Il a dit, Al-Walid ibn Al-Izar m'a informé, ou Al-Izar m'a informé, et ici le mot utilisé c'est Akhbarani. Alors, je ne veux pas être trop technique, mais quand même, au moins une fois, expliquer la différence entre Haddathana et Akhbarana. Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, explique la différence entre les deux termes, Haddathana et Akhbarana. Et si vous voyez que, subhanallah, comme notre religion est magnifique, elle est parfaite, regardez la précision des ulama du hadith, même dans les termes qu'ils utilisent, et la différence entre eux, et tout ceci, évidemment, par souci de précision pour préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La différence entre haddathana et akhbarana, en disant al-ikhbar, que c'est plus général qu'al-tahdith. Celui qui a entendu le hadith directement du shir, quand il le rapporte, il dit haddathana. Donc c'est une terminologie pour dire qu'il a entendu directement du shir. Tandis que s'il n'a pas entendu directement du shir, mais qu'il lui a écrit, alors il dit par précision dans la parole « akhbarana », c'est-à-dire même si c'est écrit. Et donc le mot « akhbarana » est plus général, et « haddathana » est plus spécifique, et donc « al-tahdith » est plus spécifique, et « l'ikhbar » est plus général. Regardez, même quand le shir lui dit, il utilise « haddathana », et quand le shir lui écrit, il écrit « akhbarani » ou « akhbarana », c'est-à-dire que on voit ici la précision des ulama du hadith, même dans les termes, afin que tout soit clair et que cela soit utile à la préservation du hadith et à la préservation de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ici, j'ai entendu Abu Amr al-Shaybani dire, le propriétaire de cette demeure nous a dit, et il a fait un signe de la tête vers la demeure d'Abdullah. Il a dit, j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la plus aimée des actions par Allah le Très-Haut? Il répondit le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la prière en son temps. Je dis, et puis laquelle? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la bonté envers les parents. L'obéissance envers la parole, bien on peut appeler ça la bonté pieuse, birrul walidain. Je dis, puis laquelle? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, le jihad sur le sentier d'Allah. Il dit ensuite, il m'a dit ces paroles et si je lui avais demandé de rajouter, il m'aurait rajouté. Maintenant, ça c'est le texte, si vous voulez, brut de Cheikh de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, Cheikh Zayd, il explique cela, rahimahullah, et il dit, al-muradu bi'abdillah, quand on a dit Abdullah, c'est qui ici? Al-muradu bi'abdillah, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Wa hadi thalatatul a'mal, التي تضمن هذا الحديث من أعمال البر التي من حافظ عليها هو من أهل التوحيد أهل العقيدة الصحيحة وهو من أهل التوحيد أهل العقيدة الصحيحة فقد حاز الخير بحذافيره. Quand on a dit ici, il a fait un signe de la terre vers la demeure de Abdullah. C'est qui la demeure de Abdullah qui dit j'ai questionné le prophète صلى الله عليه وسلم? Eh bien, c'est Abdullah ibn Mas'ud, le noble compagnon رضي الله عنه أرضاه. Et Cheikh Zayd, il dit, ces trois actions contenues dans ce hadith font partie des actes d'obéissance qui, celui qui les préserve, alors qu'il fait partie des gens du tawhid, de l'unicité, de la croyance de l'authentique, al-mu'taqad sahih, al-aqida sahiha, alors aura obtenu le bien tout entier. Quelles sont ces actions? L'amal awwal, as-salatu ala waqtiha. La première action, c'est la prière en son temps. Ala wa inna mimma la shakka fih, ana as-salatu ala waqtiha, afdalu al-a'mal. والمراد بالصلاة صلاة الصحيحة التي توفرت أركانها وشروطها وواجباتها على الكيفية التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فهي أفضل الأعمال كما ورد في الحديث الآخر أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها وفي رواية على أول وقتها. Parmi les choses au sujet desquelles il n'y a aucun doute, c'est que la prière en son temps est la meilleure des actions. Et le sens de la prière ici, c'est la prière correcte, qui réunit ses piliers et ses conditions et ses obligations de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié. Et il dit, priez comme vous m'avez vu prier. C'est pour ça que mercredi, inshallah, on a un cours sur les piliers, conditions et obligations et sunan de la prière, explication de Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Donc inshallah, mercredi à la même heure, 21h, inshallah. Elle est donc la meilleure des actions, comme ça a été rapporté dans l'autre hadith, qui dit « L'action la plus aimée d'Allah est la prière en son temps. » Et dans une autre version du hadith, « Au début de son temps. » La deuxième action de ces trois actions ici rapportées dans le hadith, « Birrul walidain, la bonté pieuse envers les parents. »« Birrul walidain, kama taqaddama min al-fara'idi, wal wajibati illati yajibu an yakuma biha al-ibnu, dhakaran kana aw untha, حيال والديه بقدر ما يستطيع وبامتثال أمرهما في المعروف والطاعة وفي تجنب العقوق الذي يسيء به إليهما وكم من وصية في القرآن الكريم بذلك قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال عز وجل وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وقال سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن ووصى النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين وعظم الأمر وقدم القيام بحق الوالدين على الجهاد في معركة القتال فقد ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أريد أن أقاتل معك قال أحي والدك يعني هم على قيد الحياة قال نعم قال ففيهما فجاهد فقدم النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الوالدين وبرهما على الجهاد في سبيل الله لعظم أمر البر بالوالدين ووجوب القيام به على أعظم وجه وأحسن حال في الأفعال والأقوال ابتغاء مرضات الله الكبير المتعال. Vous voyez ici, Cheikh Zayd, rahimahullah, il était connu pour son éloquence, rahmatullah alayh. D'ailleurs, dans l'introduction, il a fait un magnifique poème pour introduire le livre, mais qu'on ne peut pas vraiment traduire en français. Wallahu musta'an. Quelle est cette deuxième action? C'est l'action ici pour laquelle le hadith a été cité. C'est la bonté pieuse envers les parents. La bonté envers les parents, comme nous l'avons vu, fait partie des prescriptions et des obligations au sujet desquelles l'enfant est obligé de s'en acquitter, qu'il soit un mâle ou une femelle, un garçon ou une fille, envers ses parents, comme il le peut, en mettant en pratique leurs ordres dans ce qui est convenable et en obéissant et en s'écartant de leur désobéissance par laquelle il leur fait du mal à tous deux. Et comme les recommandations sont nombreuses dans le Coran à ce sujet, Allah le Très-Haut dit ce dont la traduction du sens est « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. » Il dit ce dont la traduction du sens est « Subhanahu wa ta'ala » et nous avons enjoint à l'homme avec un grand H de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Surat al-Ahqaf, verset 15. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, ce dont la traduction du sens est, nous avons commandé à l'homme, avec un grand H, la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Surat al-Luqman, verset 14. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné la bonté envers les parents et a donné une grande importance à cette affaire. Et il a fait passer le fait de s'acquitter des droits des parents avant les jihad dans la bataille. Il a été rapporté de manière authentique qu'un homme est venu chez le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit « Je veux combattre avec toi ». Il dit sallallahu alayhi wassalam « Est-ce que tes parents sont vivants ? » C'est-à-dire, sont-ils toujours en vie ? Il dit « Oui ». Il dit sallallahu alayhi wassalam « Alors fais le jihad dans la bonté pieuse envers eux deux ». Et c'est rapporté par le Bukhari en muslim d'après Abdullah ibn Amr qu'Allah les agrée tous deux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wassalam a fait passer l'obéissance aux parents et la bonté envers eux avant le jihad dans le sentier d'Allah, en raison de la grande importance de la bonté envers les parents et de l'obligation de s'acquitter de cela de la meilleure des manières et selon la meilleure situation dans les actions et les paroles, en cherchant par cela la satisfaction d'Allah le Grand, le Sublime, subhanahu wa ta'ala. La troisième et dernière action de ce hadith, al-amal al-thalith, al-jihadu fi sabilillah. Wal-jihadu yabda'u bi-jihad al-nafs, hatta tuqima amra Allah, wa tajtaniba maharim Allah, wa وتفقه دين الله وتعمل به وتدعو إليه ثم الجهاد في معارك القتال متى دعا الداعي إلى ذلك تحت راية والي مسلم يقاتل لإعلاء كلمة الله ودفع الظلم والبغي عن المسلمين والمسلمات. La troisième action, c'est le jihad sur le sentier d'Allah. Évidemment, ici on parle du jihad légiféré, noble, dans le cadre d'un État islamique avec un dirigeant et un leader islamique, et pas le jihad fait par ou le pseudo-jihad fait par le Khawarij, à l'instar des groupes extrémistes, Khawarij, du style de Daesh, Boko Haram, Al-Qaïda, etc., etc. Donc ici, le cheikh, il dit, le jihad commence par combattre l'âme jusqu'à ce que tu t'acquittes de l'ordre d'Allah et que tu t'écartes de ce qu'Allah a interdit et que tu comprennes la religion d'Allah et que tu la mettes en pratique et que tu y appelles. Puis ensuite, le jihad dans les batailles, lorsque la raison s'en fait et sous condition de l'étendard d'un gouverneur musulman qui combat afin que la parole d'Allah soit la plus haute et afin de défendre les musulmans et les musulmanes contre l'oppression et l'injustice. Deuxième ici, texte cité ici, « Haddathana Adamu, قال حدثنا شعبة, قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه, عن عبد الله بن عمر, قال رضا ربي في رضا الوالدي, وسخط الربي في سخط الوالدي. » Donc ici, Adam nous a dit, il dit شعبة nous a dit, il dit يعلى بن عطاء nous a dit, d'après son père, d'après عبد الله بن عمر, qu'il a dit. Abdullah ibn Omar, c'est le compagnon, noble fils d'un compagnon. C'est-à-dire Abdullah, le noble fils du noble Omar ibn Khattab, qu'Allah les agrée tous deux. Donc deux compagnons. La satisfaction du Seigneur est dans la satisfaction du Père. Et la colère du Seigneur est dans le mécontentement du Père. Comment Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, il explique cela. Il dit « Fi hada al-hadith, bayan, tarattubi sakhati rabbi azza sha'nuh, ala sakhati l'abbi ala bnihi l'aq, dhakaran kana aw untha. » وما ذلك إلا لما له من الحق فالوالد هو الذي تسبب في إيجاد الولد في طلب الزواج بأمه هو الذي كفله ورعاه وهو في المهد ثم الطفولة ثم في سن الشباب وما بعده وهكذا الوالد يرعى ولده وإن كان كبيرا فإنه لا يقصر في رعايته أبدا لذا ترتب على بره رضا الله عز وجل عن البار وترتب على العقوق السخط من الله لأن الجزاء عند الله من جنس العمل والمعروف عند الناس أن الوالد العاقل يرضى من ولده ولو باليسير من البر فلا يعنته ولا يوقعه في أسباب العقوق بل يجره دائما إلى مراد الله عز وجل ويجنبه ما فيه سخط الباري تبارك وتعالى وجل في علاه. Il y a dans ce hadith la mise en évidence du fait que la colère d'Allah résulte du mécontentement du père envers son enfant et désobéissant, qu'il soit un mâle ou une femelle, un garçon ou une fille. Et cela n'est qu'en raison de ce qu'il a comme droit, car le père est celui qui fut la cause de l'existence de l'enfant, en demandant sa mère en mariage. Et il est celui qui s'est chargé de lui et a pris soin de lui, alors qu'il était encore dans le berceau, puis pendant son enfance, puis dans sa jeunesse, et après, et ainsi de suite. Le père prend soin de son fils, même quand il est grand, même quand il a grandi, et il ne manque jamais à prendre soin de lui. Et c'est pour cette raison que la satisfaction d'Allah résulte de la bonté du fils obéissant envers son père. Et la colère d'Allah résulte de la désobéissance, car, et c'est une règle connue en islam, al-jaza min jins al-amal, la rétribution auprès d'Allah est du genre et du type de l'action. Ce qui est connu chez les gens, c'est que le père qui est doué de raison se satisfait de peu de la part de son enfant en termes de bonté, et donc ne le contraint pas et ne le fait pas tomber dans les causes de désobéissance, mais au contraire, le tire toujours vers ce dont Allah le Très-Haut satisfait et l'écarte de ce en quoi il y a la colère d'Allah le Très-Haut. Et avec cela, on a fini le cours pour aujourd'hui, et donc, Inch'Allah, dimanche prochain, on fera le chapitre qui a pour titre « Babu birril Umm », le chapitre qui a attrait à la bonté pieuse et l'obéissance envers la mère, qui a sa grande importance en islam, car elle nous facilite à tous le bon comportement et d'être pieux et bon et obéissant envers nos deux parents, car elle nous facilite. Wa jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.